bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici l'essentiel. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, rencontre à Kayanza les magistrats des tribunaux de résidence dans cette province. Ces derniers ont un grand rôle dans la protection et la promotion des droits de l'homme. Et les abandons scolaires qui s'observent ces derniers jours sont causés par la pauvreté des ménages, une des conséquences de la hausse des prix, constat de l'organisation Parsem. Et à Kayanza, la direction provinciale de l'enseignement a enregistré près de 5000 cas d'abandon au premier trimestre de l'année en cours. Et la chronique parlera sur moi de ce mercredi, nous parlera de la façon dont on peut critiquer sans attaquer les individus ou les groupes d'individus. Voilà pour les titres. François Akimana assure la mise en onde. Moïse Misago suit à la présentation. L'audio, nous vous disons bienvenue. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, les magistrats ont un grand rôle dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Une révélation du président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, ce mercredi, lors d'un atelier de renforcement des capacités des présidents des tribunaux de résidence de la région Nord. Dr Sixe Vignini Mouraba demande aux magistrats d'exercer leur profession tout en luttant contre la corruption. Suivez. Nous avons organisé cet atelier de formation à l'intention des présidents des tribunaux de résidence. Après que les années passées, on avait organisé des activités similaires à l'intention des présidents des tribunaux de grande instance et même des avocats. On a constaté que plutôt que de commencer par les tribunaux de grande instance, ce serait bien qu'on commence par la base. Donc les tribunaux de base, comme les dossiers commencent par là, il faut que les gens, que ce soit les magistrats, que ce soit les présidents de ces tribunaux de résidence, soient informés et sensibilisés et pour la prise en compte de l'aspect droit de l'homme dans leurs décisions judiciaires et dans le travail quotidien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on a organisé cela parce que on a eu des requérants qui nous ont témoigné qu'il y a eu des cas de corruption, il y a eu des cas de lenteur judiciaire, il y a eu aussi d'autres comportements comme un accueil qui n'est pas chaleureux au secrétariat de différents tribunaux. Et on se dit que ça vaut la peine qu'on vienne sensibiliser ces gens pour qu'ils soient informés, mais aussi c'est bien qu'on puisse échanger avec eux pour qu'ils puissent nous dire exactement qu'est-ce qui ne va pas et comment est-ce qu'on peut remédier à cette situation. Les juges et les magistrats sont pris sous pas accusés de la corruption au CEDRA CNDH, quel est votre conseil? Et vous savez, ce n'est pas seulement la corruption. C'est bien que parmi les doléances que nous avons eues à la CNIDH, il y a des gens qui ont dit que leurs dossiers ont été entachés de corruption. C'est une chose vraiment qui déshonore non seulement les magistrats, mais aussi le pays. Parce qu'on devait avoir une justice équitable pour tous et c'est l'objectif de cette formation. Donc, un mot à ceux gens qui sont encore corrompus, il faut quand même qu'ils se rappellent que quand vous êtes attrapé en train d'être corrompu ou même en train de corrompre, vous allez tous être poursuivis par la justice. Et il faut qu'ils comprennent que tout le monde, tout citoyen burundais, même toute personne résidant sur le territoire national, doit bénéficier d'un accès facile, libre à la justice. Donc la justice doit faire son travail et sans côté penchant. La même formation se déroule à Gitega où la longueur des procédures judiciaires, la corruption, l'égarement des dossiers judiciaires, le mauvais accueil au niveau des secrétariats, des parquets et des greffes et des juridictions, la lenteur excessive dans l'exécution des décisions judiciaires sont les préoccupations de ceux qui vont à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Ça a été dit ce mercredi à Gitega par le rapporteur de la sous-commission protection à la CNIDH, commissaire Jean-Vier Atungimana, dans cet atelier pour les magistrat des tribunaux de résidence de la région centre-est sur la prise en compte de la dimension droit de l'homme dans leurs prestations respectives. Le conseiller social et du gouverneur de la province Gitega a indiqué que parmi les causes des conflits familiaux figurent les dossiers pendants en justice et que la lenteur dans l'exécution des jugements rendus fait que les justiciables aillent se plaindre à l'administration. Les abandons scolaires et la famine qui sévissent dans les ménages sont des conséquences négatives liées à la montée des prix et le manque du carburant observé ces derniers jours au Burundi lors d'une conférence de presse ce mercredi. Faustin Dikoumana, président de l'organisation Parsem, indiquait que la production agricole est encore basse suite au système d'exploitation agricole archaïque. Il interpelle le gouvernement à moderniser le système agricole et à trouver solution au manque répétitif du carburant. On l'écoute. On constate que les façons actuelles sont alimentées par les produits alimentaires. Plus de 50% qui constituent l'alimentation de base, en l'occurrence le haricot sec, a vu l'inflation de 120%. C'est inimaginable. Même le maïs est en train de suivre. Quelles sont les conséquences? Les conséquences sont dramatiques. La famine qui s'invite régulièrement dans les familles. Le taux d'abandon des internes dans la vie d'allemand pour nourrir vraiment les élèves des élèves. Avec le budget là de 900 francs par élève par jour, qui ne varie pas devant cette inflation, les prisons, ils ne venaient pas nourrir ses enfants avec le budget actuel accordé avec les subventions accordées aux écoles d'internat. Même cette inflation des produits alimentaires provoque ce qu'on appelle une crise économique de type 1. Notre agriculture, c'est toujours les petits exploitants pauvres. Avec l'atomisation des terres agricoles, 0,2 hectares par ménage, 30% sont sans terre. Ils consomment une grande partie de leur production. Moins de 15% se va sur le marché. Et même la production autoconsommée ne suffit plus. Le lendemain, eux aussi, ils viennent sur le marché. Nous rencontrons sur le marché les soi-disant petits producteurs qui n'ont pas pu satisfaire les besoins de consommation familiale, ils vont sur le marché le lendemain. Les autres, les agriculteurs, nous vont sur le marché. Et la situation explose. Cet activiste de la société civile suggère au gouvernement de s'inspirer aux pays étrangers pour trouver solution durable face à cette situation. Et on constate la réduction de la fertilité des sols, le changement climatique. Alors, il faut que l'État sache que son rôle est très fondamental. Au niveau de l'encadrement, vulgarisation agricole, ça a disparu. Les fertilisants, là, il faut vraiment même une analyse beaucoup plus poussée. Est-ce que les fertilisants actuels, en qualité et en quantité, pourquoi est-ce que ça suffit? Pourquoi ce retard? Il faut une analyse, il faut une vérification. Les semences sélectionnées. Il ne faut pas que chaque individu s'aventure, donne des semences comme ça, sans vérification. Nous devons avoir une recherche, une maison de recherche scientifique, technologique en matière agricole, qui nous aide justement à statuer sur le sec. Voyez l'ISABU. L'ISABU, actuellement, les indemnités de l'ISABU, les subventions de l'ISABU et massives. C'est très insuffisant. Des cultures disparaissent comme ça, sans qu'il. Et la recherche soit dynamique pour pallier à de telles aventures. Même ailleurs en Europe, ce n'est pas dit que tous ces produits alimentaires en Europe sont cultivés en Europe, mais aller dans les alimentations européennes, ils sont garnis de produits agricoles, même les bons, les meilleurs fruits. Le gouvernement doit s'arranger pour que l'offre alimentaire soit toujours disponible. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. À 13h07 et poursuivons cette édition. Les jeunes filles burundaises de 18 ans à 25 ans sont appelées à se faire enregistrer pour l'édition 2023 de Miss Burundi. Les inscriptions se font depuis ce mercredi 22 mars et jusqu'au 25 prochain. Le comité chargé d'organiser cette compétition indique que les dossiers seront déposés sur leur page Facebook, sur la page Facebook de Miss Burundi, ainsi que sur les agences de Volcano. Suivez à ce propos Akizimana Ghislain, il est chargé de coacher les candidates. Être de nationalité burundaise et en possession d'une pièce d'identité, pouvoir s'exprimer en kirundi et en français, avoir terminé au moins les études secondaires, être âgé de 18 à 25 ans, avoir une taille minimale de 1,65 m et avoir au maximum 65 kg, être célibataire et sans enfant et sans avoir été marié, avoir un casier judiciaire bien. Les inscriptions seront passées sur le site et certains peuvent être déposés au bureau du ministre Burundi, chez Jean Kagol. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, c'est au travail pour envoyer leur courrier au travers de Volcan. Société à présent, le manque d'eau potable s'observe dans le quartier Mirango 1 de la zone Kamenge, bientôt un mois. Les habitants de ce quartier précisent qu'ils utilisent l'eau des puits qui n'est pas propre. Ces habitants craignent des maladies liées au manque d'hygiène. Et près de 5000 cas d'abandon scolaire ont été enregistrés dans la direction provinciale de l'enseignement à Kayenza au cours du premier trimestre de l'année scolaire en cours. Des causes avancées sont entre autres la pauvreté dans les ménages et les mauvais résultats des élèves, selon le conseiller chargé de l'administration et des finances à cette direction. Anissé Ndaïsenga affirme que le programme des cantines scolaires n'est pas encore arrivé à Kayenza et souhaite son implantation, ce qui pourrait diminuer ces cas d'abandon scolaire. Et un hippopotame solitaire qui s'était retranché dans une lagune du quartier Kanyengoko dans la ville d'Ormonge est mort le matin de ce mercredi. Il est tombé dans une fosse septique vers 2h du matin de ce mercredi. Les agents de l'Office burundais pour la protection de l'environnement en Téné province d'Ormonge, appuyés par l'administration locale, ont tenté de sauver, mais en vain. Au niveau de l'OBP, en Téné Ormonge, on conseille à la population riveraine de cette lagune d'être prudente car il y aurait d'autres sauvages aquatiques. Parle, rassure-moi. Il est possible de critiquer sans attaquer les individus ou les membres des autres groupes, affirme un spécialiste en résolution et transformation des conflits. Chartier Nyungeko explique qu'au cas contraire, plusieurs raisons peuvent conduire à critiquer une situation. C'est entre autres l'ignorance et un manque de connaissances. Comprendre les causes d'une situation et s'asseoir pour analyser une situation d'incompréhension post-conflit sont des moyens de faire comprendre aux gens qui s'attaquent aux problèmes et non aux individus, suggère-t-il Mireille Kanyang. Les raisons poussant les membres de différents groupes à critiquer une situation en s'attaquant aux membres d'autres groupes sont multiples. Selon Chartier Nyungeko, expert en résolution et transformation des conflits. La première raison, moi je dirais que c'est l'ignorance. Parce que quand on est ignorant, des fois on ne sait pas quoi faire. La deuxième raison, c'est le manque d'expérience dans la gestion des situations conflictuelles. Parce que quand on n'a pas d'expérience, des fois, on ne va pas adopter de bonnes voies pour pouvoir gérer la situation. La troisième raison, je dirais que c'est le manque de compétences ou le manque de connaissances de comment gérer des situations de conflit. Et c'est là où vous verrez qu'il y a des gens qui s'attaquent directement au groupe de personnes impliquées dans cette situation au lieu de critiquer directement à la situation. La quatrième raison, je dirais qu'il y a même des gens qui le font exprès. Les attaques aux individus au lieu des problèmes ont des conséquences dangereuses dans un contexte post-conflit, explique cet expert. C'est dangereux quand nous sommes dans un contexte post-conflit et que lorsque les gens se trouvent dans une situation de mésentente ou dans une situation de contradiction, parce que c'est toujours possible, et voir les gens commencer à s'attaquer mutuellement ou voir des groupes qui commencent à attaquer d'autres groupes. Dans cette situation, il y a un risque de retomber dans la situation de confrontation, dans la situation de conflit ouvert, tandis qu'on était dans le contexte post-conflit. Ce spécialiste en résolution et transformation des conflits affirme qu'il est possible de critiquer une situation sans attaquer des individus ou les membres d'un autre groupe. C'est possible de critiquer une situation sans toutefois critiquer les différentes parties prenantes dans cette situation. En fait, comment est-ce que ça peut se faire? C'est que, d'abord, quand on se trouve dans une situation de problème ou dans une situation conflictuelle, pour mieux s'y prendre, pour adopter des approches qui permettent de trouver des solutions durables à cette situation, il faut d'abord faire l'analyse. Et quand on fait l'analyse de la situation, on fait l'analyse de la situation pour comprendre réellement quel est le problème. C'est-à-dire qu'on cherche à comprendre c'est quoi le problème. Et quand on cherche à comprendre c'est quoi le problème, c'est-à-dire qu'on entame un processus de questionnement. Et ce processus de questionnement sous-entend des questions qui amène la personne en question qui fait face à la situation de découvrir le vrai problème. Comme solution, Chartier-Niungeko suggère que les gens apprennent à s'asseoir chaque fois qu'il y a des situations d'incompréhension ou de mésentente, chercher à en comprendre les causes et faire une analyse des relations entre différents groupes. Merci Mireille Kanyang et Chartier-Niungeko, spécialiste en résolution et transformation des conflits. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde. Gardez l'écoute. Le programme continue sur Isanganiro.